Livy, un médecin en quelques minutes. Je m'appelle Mehdi, j'ai 37 ans, j'habite à côté de Dijon. J'ai eu une petite frayeur avec mon fils, il avait 39 de fièvre un dimanche matin, bon, rien d'alarmant, mais mon pédiatre n'était pas disponible, donc j'ai pas eu envie d'aller aux urgences pour un motif qui ne le nécessitait pas forcément. J'ai téléchargé l'application Livy, on a eu la consultation du médecin en visio hyper rapidement et ça m'a bien rassuré. Il nous a prescrit le bon traitement que j'ai pu récupérer à la pharmacie de garde et mon fils a pu passer une bonne nuit. Livy, un médecin en quelques minutes. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, vieillesse et dépendance, la vie sous contrainte. Une série de Jérôme Sandlars réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a le confinement et le Covid qui ont obligé les regards à se tourner vers les EHPAD, ceux qui y travaillent, mais aussi et surtout ceux qui y résident. Et forcément, on a voulu savoir ce qu'il y avait avant les EHPAD. Alors pour commencer, les personnages. Un poète qui enquête, une directrice qui fait le guide, une historienne qui précise, un historien qui détaille, des frères lettrés, une veuve qui fait un discours et des réformateurs d'après-guerre. Ensuite, le décor. Neuilly, le 19e siècle, un piano, un réfectoire, du parquet d'époque, l'héritage révolutionnaire, la charité, la laïcisation, un registre, du corporatisme, l'aérisme, la corvée de pluche et les hospices. Aujourd'hui, premier épisode, on se sent joyeux. L'invention des hospices. Il y a longtemps, 55 ans au moins, je me promenais aux environs de Saint-Germain avec Louis de Cormenin et son père. Timon, silencieux selon sa coutume, la tête inclinée, nous accompagnait pendant que nous parcourions la route en jouant à saute-mouton. Il s'arrêta tout à coup devant une vaste maison environnée d'un jardin clos de murs. Maison à louer. Il demanda à la visiter et nous entrâmes avec lui. J'ai le souvenir d'une grande construction divisée par des corridors sur lesquels s'ouvraient des chambres carrelées. Cela ressemblait à une caserne ou à un hospice abandonné. Des terrains plantés de vieux arbres l'entouraient. Un puits, surmonté d'une ferronnerie assez compliquée, s'élevait dans le coin d'une cour garnie de pavés. Timon se tourna vers nous et nous dit « Il serait là très bien, en bon air, dans le voisinage d'une ville pleine de ressources et en marge d'une des plus belles forêts qui existent. » « Qui ça ?»« Les écrivains, pauvres et affaiblis par l'âge. Ils n'en manquent pas, mais il leur manque une maison de retraite où ils puissent vieillir, à l'abri du besoin, et qu'un gouvernement intelligent devrait leur ouvrir. » Ce rêve est aujourd'hui réalisé. La maison de retraite existe grâce à M. William Galignani, qui l'a fondée par testament, en son nom et en mémoire de son frère Anthony, avec lequel il a vécu dans une communauté de sentiments que rien n'a jamais altéré. Maxime Ducamp, La Revue des Deux Mondes, 1890. C'est au terme d'une longue carrière d'écrivain que Maxime Ducamp, romancier, nouvelliste et poète, se rend à la Fondation Galignani. Proche de Flaubert, cet homme de lettres consacre une enquête fouillée à cette institution modèle dédiée aux intellectuels. Nous voici donc de retour dans ce lieu chargé d'histoire, à l'heure où la prise en charge de la vieillesse bascule de la cellule familiale vers la sphère publique. Alors là, on se trouve devant le 89 boulevard Binot, à Neuilly, en banlieue parisienne, banlieue chic, devant la maison d'accueil pour personnes âgées Galignani, qui dépend du centre d'action sociale de la ville de Paris. Sa directrice, Dorothée Claude, nous attend. Bonjour. Je vous laisse entrer, s'il vous plaît, à la donc, Fondation Galignani. Un très bel établissement de 114 lits, qui n'a pas bougé depuis le 19e siècle. Les gens le disent parfois le petit château, mais bon, vivre comme un châtelain, ça peut avoir des choses un petit peu compliquées sur le plan architectural quand on veut respecter toutes les normes. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les lieux ? Alors, vous avez une place centrale qui est en fait un jardin. Et lorsque nous arrivons au fond de cette cour, vous êtes accueillis par des bustes des fondateurs, puisque c'est la fondation dont Galignani, les fameux imprimeurs, éditeurs et journalistes. Hein, alors, William d'un côté, Anthony de l'autre. C'est ça. Vous avez à votre gauche une bibliothèque et sur la droite, vous avez le salon piano. Et tous ces lieux correspondent au lieu originel. La structure n'a pas bougé. Le réfectoire est le même qu'à l'époque, au 19e. Je crois même que le parquet est d'origine, pour tout vous dire. Et ensuite, vous avez une aile est. Donc on va s'acheminer vers l'aile est, où vous avez des chambres de résidents. Hein, donc 3 étages. Donc des chambres qui sont plutôt vastes. Ça va de 20 à 25 mètres carrés. On a même une chambre un tout petit peu plus grande, avec des hauteurs de plafond extraordinaire. Alors il y a eu des transformations puisqu'on a créé des cabinets de toilettes, etc. dans les chambres, mais la structure n'a pas bougé. Alors de là où on est, Dorothée-Claude, on aperçoit un piano à queue et puis une plaque en marbre commémorative. Oui, je m'approche un peu pour lire. Et donc il est inscrit « Extrait du testament des 4 septembre 1879 et 9 mai 1882 de William Galignani. Je fais ce legs à l'administration de l'assistance publique à la condition par elle de créer une maison de retraite pour y recevoir 100 personnes des deux sexes âgées de 60 ans révolus, très respectables et de très bonne moralité et reconnues pour être sans moyens d'existence suffisants. Cette maison devra toujours porter le nom de retraite Galignani frère, désirant ainsi perpétuer l'union dans laquelle mon cher frère et moi avons toujours vécu. Juste au-dessus de nous, il y a marqué « retraite Galignani frère ». Ce terme de retraite, il est déjà utilisé fin 19e. Je me tourne vers vous, historienne Mathilde Rossigne-Méheux. Alors le terme de retraite, il est utilisé pour caractériser d'abord des pensions de retraite qui sont données à certaines catégories de population, en particulier des fonctionnaires, mais il est aussi utilisé pour caractériser des établissements pour personnes âgées dès le début du 19e siècle. Il est employé au même titre que sont employés des termes comme fondation ou hospice, mais il vient plutôt qualifier des établissements réservés à des pensionnaires payant leur admission ou à des pensionnaires choisis. Donc il a quelque chose déjà qui distingue le public de Galignani des autres assistés. La maison de retraite Galignani est installée dans des conditions hygiéniques exceptionnellement favorables. Ni l'air ni le soleil ne lui sont ménagés. Elle brille en pleine lumière dans l'éclat de sa nouveauté. Les ombrages lui manquent encore car les plantations sont récentes et les marronniers n'ont pas atteint l'âge des cimes épaisses. Mais elle participe aux arbres du boulevard, dont elle n'est séparée que par une grille. Un jardin bien dessiné, qui a déjà ses fleurs, ses arbustes et son gazon, s'étend devant les bâtiments d'habitation d'où l'on peut suivre le mouvement peu animé de la voie publique. La blancheur des bâtiments, la verdure encore un peu palote de l'herbe qui pousse, les allées récemment sablées, la peinture toute fraîche des bancs et de la ferronnerie donnent à l'ensemble un air de bonne humeur qui disparaîtra, peut-être, lorsque le temps aura noirci les murs et terni le luisant des ardoises. La maison de retraite et ses dépendances sont séparées des propriétés voisines par un mur que tapissent des lierres et que longe un chemin qui, malgré de jeunes arbres, ressemble un peu trop au chemin de ronde d'une prison. Cette impression s'impose et n'est pas atténuée par la vue d'une basse construction en briques sombres et que l'on dirait en deuil. C'est la chambre des morts. Il est rare que les pensionnaires viennent se promener de ce côté. Ce memento mori ne les attire pas et la promesse de l'éternel repos ne les séduit guère. Qu'ils fassent comme Goethe et que sur le cadran de leur montre ils écrivent « Memento vivere ». » sur le fronton de l'établissement, juste en dessous de Retraite Galignani Frères, on peut lire « Liberté, égalité, fraternité ». Mathilde. Alors cette apposition sur le fronton, elle a de quoi surprendre dans une maison de retraite puisqu'elle est propre aux établissements de la République. Mais en même temps, on la comprend si on met un peu les choses en perspective et si on se rappelle que depuis la Révolution, aider les personnes âgées et en particulier les vieux travailleurs a été posé par les révolutionnaires comme une dette sacrée et que l'assistance aux personnes âgées est en théorie, en tout cas, une des ambitions du régime républicain. Alors Antoine Ermakov, vous aussi, vous avez une formation d'historien et vous avez travaillé plus spécifiquement sur l'organisation du modèle de la bienfaisance au 19e. Oui, donc effectivement, comme Mathilde vient de le dire, ce modèle-là, qui repose sur la vertu de la charité et l'accession à travers elle au salut chrétien, perd de son importance à partir de la Révolution française et de la laïcisation, en tout cas en partie de la société qui s'opère à ce moment-là. Et à partir de la Révolution française, on va considérer que la pauvreté est une question collective qui doit être organisée, qui doit être administrée. Et à Paris en particulier, cette organisation, cette administration de la pauvreté et donc de la bienfaisance, elle est confiée à une institution particulière qui s'appelle le Conseil Général des Hospices Civils de Paris, une administration particulière qui deviendra ensuite l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et qui va opérer une spécialisation des établissements parisiens dédiés à la prise en charge des indigents. Et ce qu'on voit se passer au début du 19e siècle, c'est une tentative d'administration, de rationalisation de ces établissements pour aboutir à la fin à des hospices pour les personnes âgées, pour les vieux, des hôpitaux pour les personnes malades. Et cette distinction initiale, elle repose essentiellement sur la capacité des indigents à travailler. Les indigents qui sont âgés, a priori, ne retourneront pas au travail et donc sont destinés aux hospices. La salpêtrière pour les femmes, Bicêtre pour les hommes. Et les indigents ont une incapacité, je dirais, temporaire de travail, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ont eu un accident. Ils sont destinés à des institutions particulières, différenciées, qui sont les hôpitaux. Mais toutes les personnes qui vont dans les hospices, dans les hôpitaux, à cette époque-là, sont des pauvres, qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins autrement. Parce que les autres, en fait, les riches, ils restent à domicile et ils ont tout le personnel pour leur venir en aide. C'est ça. Alors, soit ils ont du personnel, soit pas. Mais effectivement, ils ont les moyens de se nourrir ou de se faire aider chez eux, soit en faisant appel alors éventuellement à leur famille ou à des médecins. Et d'ailleurs, on constate que la population des hôpitaux de Paris, donc des hôpitaux destinés aux malades début 19e, c'est essentiellement des hommes seuls qui viennent généralement de province pour travailler à Paris et qui se trouvent isolés et face à un accident de la vie, sont incapables de se débrouiller par eux-mêmes et doivent faire appel à l'institution de bienfaisance. Et donc, pour revenir à cette question de la spécialisation des établissements, donc elle a plusieurs déterminants. Le travail, on l'a dit, pour la différence entre malades et vieux. Et puis, parmi les malades, on voit s'opérer d'autres considérations d'ordre, par exemple, moral ou de facilitation de l'exercice de la médecine dans les hôpitaux, en classant ces hôpitaux, en des hôpitaux qui vont être plutôt destinés à exercer de la chirurgie, par exemple. Et donc là, il y a des considérations morales qui rentrent en ligne de compte parce qu'on va à chaque fois tenter, aussi, autant que faire se peut, de séparer les sexes, mais aussi les âges. Et puis, l'administration trouve qu'il est légitime que le coût de revient de la journée dans les hospices, par exemple, soit inférieur à celui des hôpitaux, puisque dans les hôpitaux, il faut requinquer les gens. Donc, on leur donne plus. Le premier traitement, c'est d'abord la nourriture. Donc, on leur donne plus à manger. Il y a un peu plus de personnel. Alors que dans les hospices, les gens sont quand même destinés globalement à périr à brève échéance. Et donc, c'est un peu moins gênant si ils ont des conditions de vie et de prise en charge un peu moins favorables. Ce sont des mouchards et des gendarmes. On ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes. Des veuves et des orphelins, Paris sointe la misère, les heureux mêmes sont tremblants, la mode est au conseil de guerre, et les pavés sont tous sanglants. On sent bien à l'époque, donc au 19e, que finalement il y a une vraie sensibilité qui se met en place, une sensibilité à la cause des vieillards. Et on peut lire ce texte d'un journaliste, Paul Strauss, et également homme politique, c'est ça, qui dit « De tous les maux qui accablent les sociétés humaines, celui de l'insécurité de la vieillesse n'est pas un des moins affligeants. Il est affreux de penser qu'à la fin d'une existence de labeur, une fois leurs tâches remplies, un si grand nombre de travailleurs de l'industrie, du commerce, de la terre, souffrent de la faim et du froid, manquent du nécessaire, ne savent parfois où dormir leur dernier sommeil. » Alors, la sensibilité à la pauvreté des plus vieux, elle va être beaucoup plus forte à partir de la Troisième République et à partir du moment aussi où il y a le vote des vieillards devient un enjeu électoral. Et donc, il va y avoir des visites très régulières des élus ou des hommes politiques en campagne à l'intérieur des établissements. Il va y avoir même des meetings à l'intérieur des établissements. Il va y avoir aussi des accusations en clientélisme assez nombreuses. Mais toujours est-il que la place que les personnes âgées occupent dans le discours politique et dans le discours politique sur l'assistance va grandissante et va culminer dans les années 1890-1900, en particulier dans la gauche socialiste du conseil municipal parisien, qui va faire par exemple de la question de l'uniforme, de la question de l'ouverture régulière des établissements, de la question de l'accessibilité de ces établissements, de la question de l'inhumation des vieillards, des questions politiques majeures au sein du conseil municipal parisien. À Paris, à la fin du 19e siècle, il y a environ 15 000 lits d'hospice et de maisons de retraite. Et si on prend l'ensemble de la population de plus de 70 ans parisienne, ça représente un cinquième de cette population. Donc 20%. Oui. Et ce modèle parisien va être celui qui va être adopté après la loi de 1905 dans l'ensemble du territoire, quand toutes les municipalités auront l'obligation légale d'accueillir les plus pauvres de leur commune. Alors pour qualifier tous ces individus, hommes et femmes, qui finissent leur vie en établissement, il y a plein de termes qui sont utilisés. Il y a le terme de vieux, de vieillard, de pensionnaire, d'administré. Et tous ces termes, ils ont une histoire. Le terme le plus générique, c'est le terme de vieillard, qui est le mot inventé par l'assistance pour qualifier les individus accueillis au nom de l'âge, 70 ans dans la plupart des établissements, 60 ans dans les maisons de retraite. L'âge est un peu plus bas, même si dans les faits, à Galignani par exemple, on y rentrait en moyenne à 70-71 ans à la fin du 19e siècle. Et donc ce terme, c'est celui qui revient le plus sous la plume des directeurs d'établissements, des contemporains, pour qualifier ces individus. Le terme d'administré, il est davantage utilisé dans les grands hospices et il montre la façon dont justement ces individus sont moins individualisés que ceux qu'on appelle les pensionnaires, qui est au départ le terme utilisé pour qualifier les gens qui payent une pension, qui sont la crème de l'assistance et qui sont certes accueillis parce qu'ils n'ont pas les moyens de vivre chez eux, mais qui sont tout de même capables de fournir des sommes qu'aucun individu des classes populaires n'est en état de payer. Elsa Quetel et Guillaume Normand, alors vous êtes archiviste, rattaché donc au Centre d'Action Sociale, c'est ça, de la ville de Paris. Et vous avez fait un formidable travail d'exhumation des archives des différentes maisons de retraite d'Île-de-France, mais notamment aussi un peu plus loin, de Villers-Cotterêts, à laquelle vous êtes intéressé. Et juste devant nous, en fait, on a un registre d'admission. Oui, c'est le premier registre de l'établissement, avec les premières personnes entrées à la Fondation Galignani à partir de 1889. C'est un grand classeur en cuir, élimé. Il est en fort mauvais état, il est tout décousu, tout arraché. Et je pense que ça témoigne aussi du fait que l'administration qui propose des registres est moins fortunée que la Fondation Galignani elle-même. On l'ouvre ? Ouvrons-le. Donc on se proposait d'essayer de trouver la pensionnaire qui a participé à l'inauguration même de la fondation, qui en a fait un discours. Donc là, il y a tous les noms, c'est ça, qui défilent ? Donc on a 3 noms par page, avec à chaque fois des références qui sont plutôt de l'ordre de l'état civil, les dates de décès, parfois la nature du décès, et puis on va savoir aussi si cette pensionnaire est admise selon quels critères. Est-ce que c'est sur les quotas de la Société des sciences? Est-ce que c'est sur les quotas de l'Académie française? Oui, parce qu'il faut préciser qu'ici, il y avait beaucoup de gens de lettres, et de journalistes, et de... Oui, c'est une spécificité de la maison de retraite. Il y a 50 places pour des personnes qui vont payer, qui vont être pensionnaires, qui vont donc être admises à titre payant. Et puis on a 50 places pour des personnes qui sont sur des quotas assez spécifiques, qui ont été définis par les testateurs, donc les deux frères Galignani, qui ont décidé, comme ils étaient imprimeurs, libraires et imprimeurs, ils avaient décidé de réserver une place privilégiée pour des hommes de lettres et des savants. Et donc voilà, nous arrivons sur l'affiche de Anne-Julie Bouton, veuve Cuvillier. Elle est née à Paris le 20 juillet 1816. Elle est la fille de Charles-Marie et de Catherine Margel, qui sont décédés tous les deux. Et c'est la veuve de Cuvillier dit Fleury, Jean Armand. Et alors elle, c'était une pensionnaire gratuite. Elle a été admise suivant la décision du 5 avril 1889 sur la présentation de l'Académie française. Et tout ce qu'on sait sur sa vie à l'établissement par ce registre-là, c'est qu'elle est décédée le 20 juillet 1890 à 1h30 du matin d'une hémorragie cérébrale. Un an après son entrée. À peine un an. Alors que d'habitude, les gens à Galignani restaient en moyenne 3 à 4 ans dans l'établissement. Messieurs, en mon nom et en ceux des gens de mérite qui m'entourent, si généreusement secouru par le legs splendide fait par messieurs Galignani frères, je demande la permission de traduire notre reconnaissance d'abord envers les deux bienfaiteurs qui ont consacré le fruit de leur labeur à soulager des ruines imméritées en fondant ce bel édifice hospitalier. Merci donc à leur mémoire impérissable maintenant. Merci aux illustres membres des académies et du syndicat qui nous ont désignés. Merci à cette mère nourricière de la charité, appelée assistance, qui a accepté la charge laborieuse de ce legs et fait ériger par ses éminents architectes ce monument qui surpasse en élégantes structures extérieures et intérieures, aussi bien qu'en confortables adaptations, tout ce qui a été exécuté jusqu'à présent en ce genre. Qu'est-ce que ça vous suggère, Mathilde Rossignol-Méaud? Ce qui est intéressant, c'est la manière dont la transition qui se produit à ce moment-là entre charité et assistance publique, puisque les frères Galignani ont donné les moyens à l'assistance publique de créer un établissement UP, la manière dont ce lien est en train de se faire et est perçu par les pensionnaires eux-mêmes. Galignani peut avoir l'air d'être une exception en accueillant un public aussi spécifique. En fait, c'est pas le cas, puisque tout au long du XIXe siècle, léguer des sommes importantes aux personnes âgées est quelque chose d'assez peu original. Et il y a un certain nombre d'établissements qui sont fondés par des légataires et fondés autour de raisons corporatistes. C'est-à-dire qu'il y a en 1903 un établissement qui s'appelle Belleuil, qui est réservé uniquement aux vieilles domestiques. À deux pas d'ici, Porte d'Auteuil, il y a un établissement qui s'appelle la Fondation Rossini, qui est créée en 1889, la même année, par la veuve de Rossini, juste pour les artistes lyriques italiens et français. Au début du siècle, à Garches, il y a un riche patron du fer qui avait donné en 1840 tout son argent à l'assistance publique pour créer un établissement de plusieurs centaines de lits réservé exclusivement aux ouvriers du fer. Donc on voit bien que créer un entre-soi à l'âge de la vieillesse et donner à sa corporation les chance de ne pas mourir pauvre, c'est aussi un des enjeux de tous ces fondateurs. Quels vont être les critères d'admission pour entrer dans cette fondation et plus généralement en hospice, Mathilde Rossignol-Méaud? Alors, à Galignani, c'est un public très particulier, puisque c'est un public déjà qui est scindé, puisqu'il y a 50 lits qui sont réservés à des pensionnaires payants, qui vont devoir payer 500 francs par an, ce qui est une somme très importante. Et une des conditions, c'est d'être en bonne santé, puisque dans le règlement, il est dit que la paralysie, l'épilepsie, la folie, l'idiotie, le cancer, la cécité ou toute autre affection présentant un caractère contagieux ou un aspect repoussant est de nature à fermer les portes de l'établissement. Donc on voit que c'est un public qui est trié sur le volet socialement, culturellement, mais aussi physiquement. Ce qui, pour l'époque, est en plus une gageure d'arriver en bonne santé à 70 ans. Et ceux qui sont jugés invalides, alors ils atterrissent où ? Alors, il y a des établissements qui accueillent, comme Bicêtre ou la Salpêtrière ou les Incurables, un public de vieillards et un public d'infirmes. Et ce qui est intéressant, c'est que toute la population est qualifiée de vieillards, même quand ils ont 40 ou 50 ans. Et on y accueille autour de 1300, 1500 vieillards, non ? C'est énorme. Alors, ça dépend des établissements. À la Salpêtrière, c'est plutôt 3000. À l'Hospice des Ménages, c'est 1000 lits. À Villers-Cotterêts, c'est à peu près 1000 lits à cette époque. Donc, ce sont des effectifs qui sont très, très importants et qui vont être aussi importants jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les dégagements sont nombreux, bien conçus et semblent disposés pour faciliter la fuite et le sauvetage en cas d'incendie. Les escaliers sont amples, éclairés par de larges baies. Les degrés n'ont rien de pénible à gravir. Je ne leur reprocherai que d'être trop cirés, trop glissants, comme l'on dit pour des pieds qui n'ont plus la sûreté de la jeunesse. Depuis que je visite les maisons hospitalières, c'est la première fois que j'aperçois un ascenseur qui est réservé à l'usage des malades, des débiles et des impotents. Un long corridor prenant directement jour sur le chemin de ronde dessert toutes les chambres et ménage à chacune d'elles une sortie particulière. De cette façon, les pensionnaires sont isolés et peuvent se retirer chez eux, libres et sans contact aux heures de tristesse, de malaise, de souvenir ou de repos. À l'extrémité de chacun des couloirs, un des servants de l'assistance publique a sa chambre où il passe la nuit et où aboutissent les sonneries placées près de chaque lit. Le garçon est lui-même en correspondance électrique avec la communauté à laquelle il communique immédiatement le numéro de la chambre d'où l'appel est parti. De la sorte, en cas de maladie subite, le secours est pour ainsi dire instantané. Une sorte d'armoire, dont la porte n'est jamais fermée, contient un filtre Pasteur, fournissant une eau purgée de tout élément nuisible qui reste à la disposition des pensionnaires. C'est évidemment un établissement très confortable que décrit Maxime Ducamp, mais surtout très moderne. L'ascenseur, les vastes espaces, le souci de relier de jour comme de nuit les pensionnaires au personnel. Donc on voit que cet espace, il a été pensé avec tous les instruments de la modernité résidentielle de l'époque. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Galignani ? Oui et non. C'est-à-dire que c'est évident que les établissements qui sont construits à la fin du siècle vont prendre en compte toutes ces innovations, et l'électricité n'est pas la moindre de ces innovations. Jusque-là, à défaut d'ascenseur, les pensionnaires étaient distribués selon leur degré d'infirmité et selon leur capacité à descendre ou non des escaliers. Il y avait une gestion de l'espace par la capacité physique. Donc là, ça change considérablement la donne. Néanmoins, les établissements tels qu'ils sont aménagés au 19e siècle, et surtout ceux qui vont déménager en périphérie parisienne dans les années 1860, vont correspondre aux normes d'hygiène de l'époque, qui sont des normes pétries par l'aérisme des médecins hygiénistes, mais donc sont des établissements dans lesquels il y a des grands espaces de circulation, dans lesquels la distance aux autres est pensée, et pour lesquels on réfléchit avec des moyens relativement réduits aux dispositifs les plus adaptés. Il y a des réflexions sans fin, par exemple, sur la qualité des matelas pour les populations gâteuses comme pour les populations encore propres. Enfin, voilà, donc il y a une vraie réflexion sur le bien-être matériel de ces pensionnaires, réflexion qui va évidemment jusqu'aussi l'amélioration du régime. Donc on mange même plutôt mieux et de manière plus régulière en établissement qu'ailleurs. Donc là, les conditions, on peut dire de manière globale que les conditions d'accueil au 19e siècle des classes populaires vieillissantes constituent une opportunité économique qui n'a pas d'équivalent pour ceux qui vieillissent à domicile. Outre le jardin suffisamment spacieux, où l'on se promène parfois de compagnie, où l'on peut s'asseoir pour causer des neiges d'antan, les pensionnaires ont des salles de réunion qui les groupent selon leur convenance. Un fumoir, sur la table duquel je vois un jaquet, m'a paru peu fréquenté. Il est juste de dire que les journées étaient tièdes au renouveau qui entr'ouvrait les bourgeons des marronniers et que deux ou trois fumeurs avaient préféré se promener solitairement dans les allées. Le salon de réception, commun à tous et à toutes les pensionnaires, n'est guère occupé que le soir. Il est conforme au goût actuel, blanc et or, meublé de sièges en velours rouge. Aux murailles, les portraits des frères Galignani. Les tables de jeu permettent des parties de piquet, de whist, d'échecs. Je crois que le tric-trac est banni comme trop bruyant et de nature à gêner les conversations. En communication avec le salon s'ouvre la salle de lecture, de style simple et d'aspect recueilli. Sur les tables, je vois une cinquantaine de journaux quotidiens, de journaux illustrés qui sont envoyés à titre courtois par les directeurs ou les gérants des recueils périodiques qu'il convient de remercier car ce service gratuit est une aubaine, justement appréciée par les pensionnaires auxquels les nouvelles du jour ne sont point indifférentes et que la politique agite encore quelquefois, ce qui prouve qu'ils ne sont pas tous arrivés à la sagesse parfaite. Alors là, on s'approche à nouveau de la véranda. Mathilde Rossignol-Méheu. Derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Alors derrière, il y a les salons, les lieux de divertissement. Si on se déplace un peu sur le côté, on voit un salon avec une grande cheminée, des fauteuils confortables, des divans. C'est très luxueux, il y a un très beau lustre qui est là depuis le début, hein, tout comme la véranda. Et attenant à ce salon, il y avait un fumoir qui a disparu, qui était exclusivement réservé aux hommes, et une salle de billard, elle aussi exclusivement réservée aux hommes. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long du 19e, doter les établissements de lieux de divertissement, qu'il s'agisse de salons de musique, de jeux de pétanque dans les établissements plutôt réservés aux classes populaires, devient la norme d'accueil réservée aux personnes âgées. Alors ça, c'est pour les temps de loisirs, mais à l'opposé, dans les grands hospices tels que Bicêtre ou la Salpêtrière, on travaille. On y travaille de manière gratuite et de manière rémunérée. Le travail gratuit est obligatoire et il consiste essentiellement à éplucher, à préparer le repas. Alors on pourrait imaginer qu'il s'agit d'une obligation anecdotique. En fait, c'est plusieurs heures d'épluchage par jour. Il faut rappeler que pour éplucher les légumes nécessaires à la soupe de 3000 personnes, il faut des heures et des heures de travail. Et c'est un travail qui, jusqu'aux années 1890, est non rémunéré. C'est un travail pour lequel on peut se faire remplacer. C'est-à-dire que si on a les moyens, un peu comme au service militaire, si on a les moyens de se faire remplacer, ben on peut payer un camarade pour ne pas le faire tous les jours. Et à côté de ce travail d'épluchage qui est commun à tous les résidents de tous les hospices gratuits, publics mais aussi confessionnels, hein, chez les petites sœurs des pauvres par exemple, il y a aussi ce travail-là. Il y a une population importante, à peu près la moitié de la population, qui travaille dans l'établissement, à Bicêtre ou à la Salpêtrière. C'est dans des ateliers de cordonnerie, de raccommodage. C'est aussi à Villers-Cotterêts dans des tâches de surveillance, dans l'entretien du jardin, celui du potager. Enfin, toutes les fonctions que des pensionnaires peuvent occuper et qui participent à alléger le coût que représente la prise en charge des pensionnaires est assurée par des résidents. Puis il y a une dernière catégorie de travailleurs qui travaillent à l'extérieur. Il y a un petit nombre de pensionnaires, quasiment exclusivement masculins, qui sont autorisés à aller travailler chez des privés à condition de redonner une partie de ce qu'ils gagnent à l'établissement. Qui sont généralement ceux qui gagnent le plus et qui sont les plus valides et qui sont aussi régulièrement accusés de faire une concurrence déloyale aux ouvriers du quartier. Donc il y a ces trois types de travaux et on peut globalement opposer deux modèles de vieillesse en institution. Une vieillesse où l'oisiveté devient la norme, l'oisiveté, le divertissement, le repos, la retraite, puisque la retraite c'est être en retrait, et une vieillesse travailleuse dont le temps de travail continue d'être très important. À côté de l'infirmerie, en face de la pharmacie, une petite porte close est surmontée de l'inscription « Communauté ». Je sonne, on m'ouvre. Robe grise, vaste cornette, je reconnais les sœurs de Saint-Vincent de Paul, filles de la charité. Pour les 100 pensionnaires, elles ne sont que 5. Ce n'est pas beaucoup. mais c'est assez car elles se multiplient et je ne crois pas qu'un seul des services qui leur sont confiés soit jamais resté en souffrance. Alors, à Galignani, les frères ont effectivement demandé à ce que des filles de la charité organisent les services de l'établissement. Donc, la moitié du personnel est composée de cette communauté religieuse, qui sont des sœurs soignantes présentes dans beaucoup d'établissements d'assistance publique. Et parce que c'est une demande des testateurs, la présence des sœurs résiste à la laïcisation des années 1880 qui a lieu dans tout le monde de l'assistance. Donc, on a des sœurs, mais on a aussi, sous leurs ordres, un personnel laïque composé de filles et de garçons de salle. Au début de l'établissement, il y a à peu près 16 personnes consacrées au service des résidents. Dans les autres établissements, sont majoritairement un personnel laïque à la fin du 19e siècle, mais qui est particulièrement peu nombreux. À côté de la cuisine et près de la panetterie s'ouvre la salle à manger, très grande, puisqu'elle doit recevoir 100 personnes qui prennent commodément leur repas. On a renoncé, et l'on a bien fait, à la table en fer à cheval usitée dans les maisons hospitalières. Là, rien de pareil. 10 tables rondes, autour de chacune desquelles 10 pensionnaires peuvent s'asseoir. Pas de nappe, mais du marbre blanc, qu'un coup d'éponge a promptement nettoyé. Système excellent qui évite la vue toujours désagréable du linge chiffonné, parfois maculé de vin. Les couverts sont en rolls. Les assiettes en porcelaine, la verrerie est en cristal de bonne qualité, donc rien qui sente l'hospice, ni même les pensions bourgeoises de catégorie inférieure. Le matin, le premier déjeuner, qui se fait à 8 heures, est composé d'une soupe grasse ou d'une tasse de café au lait. À 11h30, un plat de viande, un plat de légumes et du dessert. À 6h, le dîner qui comporte une soupe, de la viande, des légumes et du dessert. Le pain et le vin sont en quantité suffisante. On ne donne pas de café noir. L'assistance publique gardienne et gardienne jalouse du bien des pauvres manquerait à ses devoirs si elle distribuait des superfluités à ses administrés. Là, on voit qu'il y a une cohorte de personnes âgées qui attend pour se rendre au réfectoire. C'est l'heure du déjeuner. La nourriture, c'est un élément central. Alors, hier comme aujourd'hui, la nourriture attire beaucoup les critiques des pensionnaires et est l'objet de négociations. Les repas sont soigneusement réfléchis avec des rations qui varient énormément entre les établissements, en particulier sur des produits comme le vin. Les hommes sont beaucoup mieux servis en vin que les femmes et les pensionnaires qui payent leur admission sont beaucoup plus servis que les administrés. Donc ça va du simple au triple en termes de quantité et à Galignani on boit plus qu'à Bicêtre, alors même que les accusations d'intempérance, d'alcoolisme sont beaucoup, beaucoup plus nombreuses dans les établissements réservés aux vieux ouvriers. Dans tous les hospices, l'accusation d'alcoolisme, de rentrée de vin, de conduite excessive, de cris, de bruit imputés à l'alcool revient quasi quotidiennement. Et tous les tours de vis disciplinaires qui s'opèrent sur les horaires, sur les droits de sortie, sur la surveillance, sont justifiés par la peur qu'ont les directeurs d'établissement de voir leur population ivre sur la voie publique, voire de devoir aller chercher sur la voie publique leurs résidents, ce qui est susceptible de nuire évidemment à la réputation de leur établissement. Donc il y a vraiment une angoisse très importante de la part des directeurs à l'égard de cette consommation non autorisée du vin. Ils sont très souvent punis, les résidents, toutes ces personnes âgées, mais elles sont toujours punies de la même punition, à savoir la consigne. C'est-à-dire que la seule marge qu'a l'établissement, c'est de pouvoir retenir les pensionnaires à l'intérieur de l'établissement, de les empêcher de sortir. Donc ce sont des consignes de 8 jours, de 15 jours, d'un mois, qui généralement leur permet aussi de ne pas sortir boire et qui sont administrées par centaines dans un hospice comme Bicêtre ou Villers-Cotterêts. Je ne crois pas que les pensionnaires se soient divisés en coteries, comme cela se voit trop fréquemment dans les maisons de vie en commun. J'imagine plutôt que, tout en conservant des préférences, l'on ferait sans peine les uns avec les autres, sans morgue et sans distinction d'origine. Cela tient certainement à la liberté dont on jouit, aux sorties fréquentes, aux visites que l'on reçoit, ce qui constitue une sorte de renouvellement dans les relations et permet d'échapper à un contact permanent dont on se fatigue vite. C'est là l'inconvénient majeur des maisons hospitalières trop cloîtrées, dont la porte ne s'ouvre qu'une fois par semaine. Entrer à Galignani, c'est en aucun cas entrer dans un établissement fermé, puisque tous les jours, les pensionnaires ont la possibilité de sortir. Et l'histoire de l'ouverture des établissements pour personnes âgées, c'est une histoire qui s'écrit tout au long du 19e. C'est-à-dire que les grands hospices de Bicêtre ou de la Salpêtrière sont, pendant le premier 19e et jusqu'aux années 1890, des lieux dont on ne sort pas sans passer devant le concierge en montrant ses affaires, ses effets, pour être bien sûr qu'il n'y a pas de trafic entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on voit la suspicion qui pèse sur les pensionnaires, mais aussi dont on ne sort pas tous les jours. Il y a des jours qui sont réservés à la sortie. Il y a des périodes pendant lesquelles il n'est autorisé de sortir qu'un jour par semaine. Donc les établissements comme Bicêtre ou la Salpêtrière sont largement dans leur mode de vie, les héritiers de l'hôpital général et de conditions carcérale d'un autre temps. Et ce droit de sortie, il va progressivement devenir une de ces causes communes défendues par les politiques à la fin du 19e siècle. Et dans les années 1890, il devient acquis que les résidents puissent aller et venir, toujours sous contrôle. Il y a même encore une procédure dans les années 1900 où il y a une pièce d'identité propre à l'établissement qu'il faut montrer à l'entrée, à la sortie, à la Salpêtrière, qui est finalement abolie en 1906 au prétexte qu'elle est trop stigmatisante. Guillaume Normand. Donc oui, là, on est avec quelqu'un qui a beaucoup de relations. Et on le voit dans les correspondances. C'est-à-dire que le registre va inscrire les personnes à prévenir. A priori, je pense que c'est ça l'utilité première d'avoir rempli le champ des correspondants pour une personne. Victorine Marc, fille de Joseph-Charles Marc et de Anne Maillard. Elle est née en 1835 à Paris. Elle a été admise en 1906. Elle a été admise le 17 octobre, elle rentre le jour même, ouais. C'est une pensionnaire payante. Et puis à la fin, voilà, cette personne-là sort de Galignani en 1910, et on ne sait pas ce qu'elle devient, elle reste 4 ans à l'établissement. Elle, c'est intéressante parce que c'est une demoiselle, elle n'a pas d'enfant, donc les gens qu'elle note comme correspondants, c'est-à-dire comme personne à joindre en cas de problème, ça peut être des petites maladies ou ça peut être aussi l'annonce du décès, on voit qu'il y a, il y a des amis, une cousine, c'est une parenté éloignée. Et ce qui est intéressant dans le registre de Galignani, c'est que presque tous les pensionnaires, l'énorme majorité des pensionnaires ont des familles à prévenir, et donc l'idée que entrer à l'hospice ou en maison de retraite s'explique par l'abandon des familles et à relativiser largement. On pourrait imaginer que c'est propre à Galignani. En fait, si on regarde un établissement qui est diamétralement opposé sociologiquement comme Villers-Cotterêts, on se rend compte que les 100 familles sont un peu plus nombreux. Les 100 familles, c'est comme ça que l'administration note ceux qui n'ont pas de correspondant à joindre, mais néanmoins, ils sont minoritaires. À quel moment le système que vous nous avez dépeint, Mathilde Rossignol-Méheux, va basculer, évoluer vers autre chose ? Alors déjà, les deux guerres sont des moments de bascule, parce qu'il va y avoir une forte mortalité pendant cette période-là, un moindre personnel. Enfin, ce sont des moments qui interrogent le système. Mais globalement, sur le temps long, les années 30 sont une période d'extension. Enfin, l'entre-deux-guerres est une période d'extension de ce modèle-là, extension dans toutes les municipalités, avec l'installation dans toutes les communes de maisons de retraite, avec des foyers logements, des hospices, et on construit vraiment un parc hospitalier à destination des personnes âgées dans toute la France à cette période-là. Le vrai moment où ce modèle bascule et devient vétuste. Bascule parce qu'il est critiqué, mais aussi parce qu'il ne correspond plus à la société dans laquelle il s'inscrit. C'est l'après Seconde Guerre mondiale. Mais à un moment où, où une génération commence à pouvoir davantage vivre chez soi, ou aussi la nouvelle économie de la protection sociale privilégie plus que tout le maintien à domicile, et aussi à un moment où la vie en institution, et là ça dépasse très largement la question des personnes âgées, rencontre la désapprobation du reste de la société française. Ça fait longtemps que vous travaillez ici, Madame Alors, Claude. J'ai le privilège de diriger l'établissement Galignani depuis deux mois. Le 15 juin, je suis arrivée, après avoir eu le plaisir d'être directrice adjointe dans un autre établissement du Centre d'Action Sociale qui a un fonds historique énorme, qui est l'établissement Alquier de Brousse, qui a été créé à peu près à la même époque. Mais là, en l'occurrence, qui a été, sur le plan de l'architecture, totalement détruit. Et tout a été reconstruit et remis à neuf. Et du coup, on a pu créer des chambres avec des salles de bain individuelles partout. Donc si je comprends bien, ici, on a la chance d'être dans un lieu qui a vraiment conservé son cachet d'origine. Absolument, qui n'a pas bougé. C'est un des très rares, j'imagine, non, en Ile-de-France, peut-être le seul. Oui, mais je pense que c'est... Voilà, je me tourne vers l'archiviste du CASVP qui a peut-être une approche historique un peu plus fine que la mienne. Elsa, qu'est-elle ? Oui, de tous les établissements qui accueillent des personnes âgées, c'est le seul qui a été maintenu lorsque le bureau d'aide sociale, l'ancêtre du centre d'action sociale, a pris en charge les premiers établissements, donc en 1973, le 1er janvier 1973. Le centre d'action sociale récupère donc 11 établissements qui viennent de l'administration de la paix, l'administration publique des hôpitaux de Paris, et un établissement de la préfecture, l'ex-préfecture de la Seine, donc préfecture de Paris, qui s'agit de Sarcelles. Et donc c'est le seul qui va être maintenu. Tous les autres vont être soit fermés, soit démolis et reconstruits pour répondre aux nouvelles normes. Et notamment, on parlait à l'époque d'accueillir des soit valides, semi-valides ou invalides. Voilà, c'était les grilles. Et finalement, le bureau d'aide sociale va se retrouver dans l'obligation d'accueillir de plus en plus de personnes semi-valides ou invalides du fait du vieillissement de la population, de l'allongement de la durée de vie des Français. Donc là, ce document montre comment est-ce qu'on va passer du Galignani tel qu'il a toujours été au Galignani du monde des EHPAD, avec le précédent sigle qui était MAPA, Maison d'accueil pour personnes âgées, et qui consiste à médicaliser l'établissement. Et là, on a l'extrait d'un courrier qui est rédigé par le président de la Société de secours des Amis des Sciences, qui s'adresse au bureau d'aide sociale, qui gère donc la maison de retraite Galignani depuis 1973, et c'est un courrier de 1980. La retraite Galignani est destinée à recevoir des personnes âgées de plus de 60 ans, ce qui implique par le fait même qu'il s'agit de personnes valides. Et s'il peut arriver qu'une personne entrée valide devienne au cours des années invalide et soit gardée comme telle, cette circonstance ne saurait justifier la transformation de ladite retraite en deux catégories, valide et invalide. Or, l'importance et la durée des travaux entrepris font penser que le bureau d'aide sociale de Paris a décidé de transformer la maison de retraite Galignani, tout ou en partie, en maison de cure médicale. Mais une telle intention est absolument contraire à la volonté clairement exprimée de M. William Galignani. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir me donner les précisions qui s'imposent et qui, je l'espère, nous donneront tant aux académiques qu'à moi-même les apaisements nécessaires, à défaut de quoi nous nous trouverions dans l'obligation de faire respecter la volonté de M. Galignani devant les tribunaux compétents. Et donc le passage aux EHPAD, c'est 2002. L'utilisation du mot EHPAD, c'est 2002. Oui, c'est la loi. Ouais. On rebaptise ce qui était des MAPA, des maisons d'accueil pour personnes âgées. On les renomme en établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Et entre la MAPA et l'hospice ou la maison de retraite, on est passé par cette phase de maison de cure médicale, qui est vraiment le terme fort qu'il y a derrière le mot humanisation en ce qui concerne les maisons de retraite. Elsa Quetel. Dès les années 50, le directeur général de l'assistance publique, le docteur Xavier Leclinche, se rend compte lui-même que le modèle de l'hospice est arrivé à son terme, enfin qu'on ne peut plus héberger des personnes âgées dans ces conditions-là, à savoir donc multiplier comme ça ces grands dortoirs avec une promiscuité des personnes les unes à côté des autres, des personnes qui sont là aussi quand même de plus en plus âgées, qu'il faut changer de modèle et peut-être davantage penser à la prise en charge de ces personnes. Et donc du coup, lui-même dit, quant à la solution du problème des vieux dans l'agglomération parisienne, dans quel sens doit-elle être recherchée? Pour ceux dont l'état de santé nécessite des soins plus ou moins permanents, il convient de leur épargner, dans toute la mesure du possible, le déprimant séjour à l'hôpital et d'organiser pour eux les soins à domicile. Pour ce qui est des vieillards impotents, il faut multiplier les petites maisons de retraite d'une centaine de lits, disséminées à la périphérie de la capitale, et les substituer progressivement aux affreux hospices casernes. Voilà, donc on veut dorénavant créer des petits foyers logements pour accueillir les personnes âgées, donc des petites structures plus confortables. Et donc cette idée de modernisation, elle passe d'abord par ce souci de la transformation architecturale et donc par une individualisation finalement de la prise en charge de la personne âgée. En plus de ça, donc, enfin de cette critique-là, il y a aussi toute une réflexion sur médicalement, donc sur la gériatrie. De plus en plus, des chaires vont être ouvertes à l'université, donc pour étudier les problèmes du vieillissement. Et puis, dans les années 70, il y a une critique qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire de l'opinion, qui critique vraiment le fait que ce modèle-là, toujours de l'hospice, n'est plus convenable, n'est plus possible, il faut y mettre fin. Le vieillard dans la maison, où des traquets leur pendulent, il fait nuit en toute saison, dans la maison des trop crédules. Ils ont renversé les potiches, la poussière a rompu le cordon, tous les vieillards viennent dans la maison, ont des cheveux postiches. Simone de Beauvoir, 1970, sur Radio-Canada. Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias, c'est cela? Oui, en grande partie, c'est-à-dire qu'elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. Elle a au contraire des mythes dans lesquels le vieillard apparaît comme un sage, comme quelqu'un de plein d'expérience, de vénérable, de respectable, mais en réalité, elle les traite comme les parias, c'est-à-dire qu'en effet, elle les empêche de travailler, ce qui serait un bien si elle leur donnait des moyens de vivre décents. Mais elle ne leur donne pas du tout, et il y a une quantité d'indigents qui sont des vieillards qui sont des indigents, considérables en France aussi bien qu'en Amérique. On ne fait vraiment, sauf dans une quantité infime, mais dans l'ensemble, on ne fait vraiment rien pour permettre aux vieillards, une fois qu'ils sont dans les hospices, dans les asiles, dans les maisons de retraite, leur permettre de s'occuper, de se réunir et de peupler ces loisirs dont on leur fait cadeau, et un cadeau qui est bien souvent un cadeau empoisonné. Peut-être que ce livre aidera, d'une part, les adultes et les jeunes, à voir les vieillards d'un autre œil, et du même coup, à les traiter d'une autre manière. Et peut-être que ça aidera aussi les vieillards à mieux prendre conscience des raisons pour lesquelles ils vivent de la manière dont ils vivent. Mais pour l'immense masse, dont le problème est d'abord un problème matériel, un problème économique, qui n'ont vraiment pas de quoi manger ni se chauffer l'hiver, il est bien évident que ce livre ne changera rien. C'était L'invention des hospices, avec Mathilde Rossigne-Méheux, historienne et auteure de Vie d'hospice, vieillir et mourir en institution au XIXe siècle, aux éditions Champ-Vallon, Antoine Ermakoff, historien, Elsa Quetel et Guillaume Normand, archivistes attachés au Centre d'action sociale de la ville de Paris, Dorothée Claude, la directrice de l'EHPAD Galignani, et les lectures de Dominique Collignon. Prise de son, Antoine Espel, mixage, Delphine Baudet. Un documentaire de Jérôme Sandelars, réalisé par Anne Fleury.